D'ailleurs, Denise ne s'en tenait pas à vouloir panser les plaies vives dont elle avait saigné. Des idées délicates de femme, soufflées amourées, ravirent la clientèle. Elle fit aussi la joie de l'homme, le caissier principal, en appuyant un projet qu'il nourrissait depuis longtemps, celui de créer un corps de musique dont les exécutants seraient tous choisis dans le personnel. 3 mois plus tard, l'homme avait 120 musiciens sous sa direction. Le rêve de sa vie était réalisé. Et une grande fête fut donnée dans les magasins, un concert et un bal, pour présenter la musique du bonheur à la clientèle, au monde entier. Les journaux s'en occupèrent. Bourdoncle lui-même, ravagé par ses innovations, dut s'incliner devant l'énorme réclame. Ensuite, on installa une salle de jeu pour les commis, de billard, des tables de tric-trac et d'échecs. Il eut des cours le soir dans la maison, cours d'anglais et d'allemand, cours de grammaire, d'arithmétique, de géographie. On alla jusqu'à des leçons d'équitation et d'escrime. Une bibliothèque fut créée, 10 000 volumes mis à la disposition des employés. Il en ajouta encore, un médecin à demeure, donnant des consultations gratuites, des bains, des buffets, un salon de coiffure. Toute la vie était là. On avait tout, sans sortir, l'étude, la table, le lit, le vêtement. Le bonheur des dames se suffisait, plaisirs et besoins, au milieu du Grand Paris, occupé de ce tintamarre, de cette cité du travail qui poussait si largement dans le fumier des vieilles rues, ouvertes enfin au plein soleil. Alors, un nouveau mouvement d'opinion se fit en faveur de Denise.